Les éditions de l'Avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl Inouvi, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998. Ezwa, dans le rôle de Carl Terob. Naf, dans le rôle de Novi. Bernard, dans le rôle du professeur informatique. Joanne, dans le rôle de Clara Terob. Et Christian Martin à la narration. Chapitre 2. L'enlèvement. Je regrette que tu n'aies pas connu mon père, mon tout beau. Il était gentil ? Très. Il est où, ton père ? Mort. Oups, désolé. Tu ne pouvais pas savoir. C'est arrivé comment ? Il était en expédition dans les Yarim. Il était un grand géologue. Et il a été sous une avalanche avec son équipe. Deux survivants seulement, restés au camp de base, en sont revenus. Pas ton père ? Pas mon père. Qu'est-ce qui se passe ? Mère m'appelle, nous allons dehors. Mais tu es trop jeune, tu vas prendre froid. Pas du tout, mon poil est assez touffu. Et puis, je veux m'amuser dans la neige. Et le voilà dehors. Il en est tout heureux. Tu es certain que tu n'as pas froid ? Non, c'est doux la neige. Viens jouer avec nous. Désolée, mon tout beau. Je dois terminer mes devoirs. Plus tard, peut-être. La neige, c'est bien plus amusant que les devoirs. Alpa, notre planète, fait partie d'une association interplanétaire baptisée l'Alliance, dont le but premier est la protection mutuelle contre les gris. Notre système solaire, nommé Hattusa, compte 14 planètes au total, et Alpa en est la quatrième. Deux satellites naturels tournent autour d'Alpa. Un petit et un gros. On a appelé le petit Nomo et le plus gros Mono, en souvenir du satellite de la vieille Terre qui portait le nom de Moon dans une langue ancienne. Carl, on se... Novi ! Novi ! Oh non ! Là, dans la neige, couchée sur le flanc, c'est Xena ! Et cette tache rouge dans son poil ! Et Novi ? Où est Novi ? Je ne le sens plus ! Je ne le sens plus ! Maman ? Ne reste pas plantée là, Carl. Viens m'aider. Où est Novi ? Tu ne le sens pas ? Non ! Mon petit... Viens, il faut soigner Xena. Dès qu'elle reprendra conscience, elle nous dira où se trouvent nos vies. Allez, viens. Ça me semble assez grave. Je vais lui faire les premiers soins ici même, puis nous la rentrerons à l'intérieur à l'aide du neutralisateur gravifique. Ils firent ainsi. Mais de ramener à l'intérieur une éniche de la masse de Xena, même avec le neutralisateur gravifique, ne fut pas une mince affaire. D'autant qu'ils durent prendre un soin particulier à ne pas aggraver sa blessure. Finalement, ils parvinrent à la déposer tout doucement sur son édredon. Peu après, Xena sortit du coma pour plonger dans un sommeil thérapeutique. Rassurée sur l'état de sa héniche, Clara passa un appel à la sécurité. On avait enlevé nos vies, les traces dans la neige ne mentaient pas. Aussi, une enquête s'imposait.